Avant, ce n'était jamais assez. Maintenant, c'est plus rien. Je n'aime pas le dire, mais c'était mieux avant. Parce que avant, maintenant, ce serait assez, ce serait le bonheur. On s'en aperçoit, c'est terrible, bien après l'irréversible. Et on se retrouve seul avec ce remords folle. Y'a pas de colle assez forte pour réparer les choses mortes. Faut vivre avec, se résigner à perdre autant de fois que les pensées assaillantes et têtues viennent frapper les crânes. Avec autant de force, de violence et de furie qu'un tsunami qui déchirait la côte. Je perds, je l'assume, et tous les jours je ris, et quand je pleure, je dis que c'est le vent qui trimballe des morceaux de soleil, des allergies capricieuses, du pollen glacé d'hiver qui fait couler mes paupières. Malgré l'absence, rien ne faiblit. En moi, c'est toujours l'incendie. J'aimerais tant que ce cœur maudit arrête de te battre la pluie.